Patrick pour me payer un frac. Je propose à Patrick, si tu te sens pas patraque, tu ramènes tout ta clique, j'en ai vraiment ma claque. De voir tous les gens chics et moi fringuer comme un sac. Je prends mon automatique si des fois on m'attaque. On n'est pas anémique, même que Mick est un Mac. On se remonte sans cri, y'en a pas un qui craque. On ne veut pas d'hépatique, on réplique du tac au tac. Mick Mac Boogie, Mick Mac Boogie, Frick Frack Woogie, Frick Frack Woogie, Click la bebop, Mac la clapop. Mick Mac Boogie, Mick Mac Boogie, Frick Frack Woogie, Frick Frack Woogie, Click la bebop, Mac la clapop. Mais je glisse sur une flaque, alors graphique les flics. Moi j'avais plutôt le trac, la matraque et la trique. Pour penser à tabac et me faire une gueule cubique, je leur dis je suis pas d'ac, je veux pas devenir un indique. Faut avouer quand on braque, c'est qu'il y a pas mal de briques. On me file 10 ans de baraque, je vais tourner en bourrique. Adieu les cadillacs, les gonzesses idylliques. Fringué de toile de sac, j'ai toujours pas de costard chic. Mick Mac Boogie, Mick Mick Mac Boogie, Frick Frack Woogie, Frick Frick Frack Woogie, Click Clack Bebop, Mac Clack Clapop. Get to the queen.